qui paraît, ils font les gros. Calme dans la bouche, tu parles en clair. Je l'ai attaché, il parlait trop. Mon blaze à moi, c'est Kevin si je me fais péter. Tu me verras jamais faire des bus. J'invite à mon conseil, nous on s'est pas chuté. Tu sais, ils font les beaux, mais en équipe. Comme à la chasse à l'homme, on va les attraper. J'ai grandi dans la merde, excuse-moi ma chérie. Si pour venir t'accoster, je t'ai violé la tête. L'amour que pour ma mère, nique la mère la terrible. C'est dans le bâtiment qu'on veut ta fête. Quand j'avais zéro dans les poches, aucun d'entre vous m'a tendu la mano. Suffit qu'un négro roule en Porsche pour que toute la cité l'appelle mi hermano. J'en ai marre de ces mythos qui veulent jouer les Gustavo les Pablo. J'ai regardé la météo, d'après la commission il fait pas beau. Il fait noir dans la cité. Pour faire du mal, j'ai pas hésité, non, j'ai pas hésité. Personne m'a incité, non, personne m'a incité. Ouais, je sais que je fais le mal, que je fais le mal. Même au fond, ça me fait mal. Ouais, je sais que je fais le mal, que je fais le mal. Même au fond, ça me fait mal. À ce qui paraît, ils font les gros. Calme dans la bouche, tu parles en clair. Je l'ai attaché, il parlait trop. Mon place à moi, c'est Kevin. Tu me verras jamais faire des buts. Jamais. J'invite à mon conseil, nous on se fait pas sucer. Ils font les beaux mais en équipe. Ah ouais. Comme à la chasse à l'homme, on va les attraper. Tu parles de PGP, tu parles de débité. Fils de pute, t'as même pas un euro. Toute l'année au quartier, pour qu'à critiquer. Casse les couilles comme les York Lidero. Avec les miens, tu es des vrais. Déféré ou pas, nous on n'a jamais parlé. Moi je suis au quartier cet été. Je suis dans ton appart quand toi t'es en vacances. Et on a peur de personne. Pour les qui j'attends ton Nelson. Si on finit par t'attacher, c'est sûrement que tu dois une somme. Il fait noir dans la cité. Pour faire du mal, j'ai pas hésité. Non, j'ai pas hésité. Personne m'a incité. Non, personne m'a incité. Ouais, je sais que je fais le mal. Que je fais le mal. Même au fond ça me fait mal, ouais je sais que je fais le mal, que je fais le mal. Même au fond ça me fait mal. À ce qui paraît ils font les gros. Calme dans la bouche tu parles en clair. Je l'ai attaché il parlait trop. Mon blaze à moi c'est Kevin si je me fais péter. Tu me verras jamais faire des buts. J'habite à mon conseil nous on s'est pas sucé. Ils font les beaux mais en équipe. Comme à la chasse à l'âme, on va les attraper.